Ndi koma nyanga. François Kimana assure la mise en onde. Merci de rester branché sur les zones de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Les responsables des partis politiques crient à la restitution des biens spoliés pendant la crise de 1972 aux familles victimes. Ils ont formulé cette doléance ce mardi au cours d'une réunion organisée par la CVR, au cours de laquelle cette commission présentait les résultats des enquêtes qu'elle a déjà menées. Le parquet général de la République est à l'œuvre pour traquer ceux qui ont volé les matériaux de construction de l'Oboa. Et ceux de la Régie des Eaux annonce faite ce mardi par le procureur général de la République au cours d'une conférence de presse, vous l'entendrez. Et le président du Sénat burundais demande au chef de l'État d'octroyer les matériaux de construction aux communes afin que ces dernières puissent arriver à construire totalement les infrastructures publiques. Emmanuel Shinzo Hagira l'a dit ce lundi au cours de l'ouverture solennelle de la session parlementaire ordinaire d'avril 2024. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, le président du Sénat burundais demande aux conseils communaux d'élaborer les projets dont l'exécution complète est possible, et cela en fonction de leurs moyens disponibles. Au chef de l'État, il demande d'octroyer les matériaux de construction aux communes afin d'arriver à construire totalement les infrastructures publiques. Tout cela parce que pas mal de communes disposent de peu de moyens financiers. Emmanuel Shinzo Hagira a tenu ses propos ce lundi à Gitega dans son discours d'ouverture solennelle de la session parlementaire ordinaire d'avril 2024. Les détails avec Jirani Vikid. Dans cette réunion, Godefroy Hakizimana, représentant. Le président du Sénat, Emmanuel Shinzo Hagira, fait savoir que, durant les récentes vacances parlementaires, les sénateurs ont visité plusieurs provinces comme Bururi, Muyinga, Makamba, Rutana, Bujumbura, Mwaro, Bubanza, Chibitoke, Rumonge et la mairie de Bujumbura pour d'abord s'associer à la population dans le cadre des travaux communautaires et ensuite pour se rendre compte du fonctionnement des communes. À propos donc du fonctionnement des communes, le président du Sénat précise que plusieurs parmi elles connaissent des problèmes financiers, d'où alors il invite les conseils communaux à élaborer des projets réalisables par rapport à leurs moyens. Il ajoute que suite à ces problèmes financiers des communes qui font qu'elles ne peuvent pas terminer leurs projets de construction des infrastructures publiques, il demande au chef de l'État de reprendre son programme d'octroi des matériaux de construction communes pour qu'elles puissent terminer leurs travaux de construction des infrastructures publiques. Et au Fonds national d'investissement communal, FONIC, il demande d'octroyer à temps les moyens financiers aux communes pour que ces dernières réalisent leurs projets de construction des infrastructures publiques dans les délais prévus. Tous ces propos, le président du Sénat, Emmanuel Shinzo Hagira, les a tenus ce lundi à Gitega dans son discours d'ouverture solennelle de la session parlementaire ordinaire d'avril 2024. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nivigila. Page de justice transitionnelle à présent. La loi qui va régir les restitutions des terres et autres biens spoliés aux familles victimes des tueries de 1972 est sur la table de l'Assemblée nationale pour analyse et adoption. Réponse de Leia Paskazi Nzigamasabo, porte-parole de la commission Vérité et Réconciliation, doléances des représentants des partis politiques. Ceci a été dit lors d'une réunion de la vers à l'endroit des hommes politiques ce mardi. Les avis des politiciens divergent sur la question des résultats d'enquête menée par cette commission des États avec Omer Ndouadio. Dans cette réunion, Godefroy Hakizimana, représentant du parti PSD du Sabi Kanye, n'est pas confiant des témoignages à l'endroit de la commission Vérité et Réconciliation pour question d'enquête sur les tueries de 1972. Beaucoup de propos sont des rumeurs sans fondement parce que les Kim de son genre sont tranchés par une tierce partie au Burundi comme ailleurs. Chez nous, les Bahutu et les Batutsi s'accusent mutuellement quant aux auteurs. Un avis contredit par Jacques Bigirimana, président du parti FNL, qui demande à la CVR de faire comprendre à tout le monde ce qui s'est passé pour que les Burundais aient une même lecture du passé. Maître Deon Dikumana, commissaire à cette commission, rassure que les présumés auteurs figurait aussi parmi les témoins dont il est question. Quant à Deogratias Nsanganiyumwami, président du parti pour l'indépendance économique du Burundi, le gouvernement devrait faire les réparations le plus rapidement possible pour tranquilliser les familles des victimes. Léa Pascazine Zigamasabo, porte-parole de la commission Vérité et Réconciliation, indique que la loi qui régira ces réparations est déjà envoyée à l'Assemblée nationale pour analyse et adoption. Cette rencontre survient à la suite de celle tenue à l'endroit des responsables des confessions religieuses. Omer Ndouaïo, le politicien Tassien Sibomana, se dit être surpris par les déclarations du porte-parole du ministère de la Sécurité publique, indiquant qu'il y a des hautes autorités du pays qui seraient menacées par les membres du parti CNL. Pro Agathon Ouguassa, ce politicien trouve cependant qu'il y a un agenda caché contre ces mêmes membres du parti CNL qui s'oppose toujours au résultat du récent congrès portant renversement du député Agathon Ouguassa à la tête de ce parti. Les accusations contre les membres CNL et Pro Ouguassa et qu'il serait en train de menacer certaines hautes autorités du pays inquiète aussi Léon Senghe Ndakoumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Il trouve cependant que ceci est un signe que les préparatifs des élections futures sont entachés de beaucoup d'irrégularités. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur les zones de la radio Isanganiro, page justice à présent. Le procureur général de la République informe que les instances judiciaires ont déjà entamé les enquêtes sur les cas de vol des matériaux de construction qui étaient gérés par les sociétés Obuha et Régie des Eaux. Dans un communiqué de presse ce mardi, Léonard Manelakiza a également mis en garde les saboteurs qu'ils seront punis conformément à la loi. Suivez-le dans cette traduction de Jean de Dieu Irakote. Ces derniers jours, il s'observe des cas de sabotage et de vol sur des infrastructures publiques. Des sociétés comme Obuha et Régie des Eaux, où les malfaiteurs détruisent des ponts, volent des matériaux de construction de ces derniers, des gabillots, des fils électriques haute et moyenne tension. Ils volent également des poteaux qui supportent ces fils. En date du 9 mars 2024, les instances judiciaires ont débuté des enquêtes et ont pu saisir dans la société Iron Steel certains biens publics subtilisés. Il a été trouvé dans cette société des preuves que les véhicules usés de l'État ont été vendus en violation de la loi et la société les transforme en fer à béton du moment que l'Office burundais des recettes OBR est seul habilité à vendre les biens de l'État. C'est ainsi que certains des employés de cette société ont été arrêtés dans le but de connaître les tenants et les aboutissants de ces faits répréhensibles en vue de les traduire tous en justice. Cette criminalité devient grandissante au moment où les Burundais s'attellent aux travaux de développement à un rythme accéléré dans la droite ligne de la vision d'un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060. Ce comportement antisocial est un handicap au développement parce que les infrastructures comme les gabillots, une fois volées, l'eau des rivières détruit davantage l'endroit qui était protégé et par conséquent, l'État subit un préjudice énorme car la réhabilitation des infrastructures sabotées demande des moyens énormes jusqu'au double du budget initial. Tous les Burundais doivent veiller à la protection des biens publics sur base de l'article 69 de la Constitution du Burundi qui stipule que les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la la nation. Sur cette base, le parquet général de la République met en garde tous ceux qui ont choisi de saboter ou subtiliser les biens publics qui seront punis exemplairement conformément à la loi. Qui ne préserve pas la chose publique ne préserverait pas celle privée. Page commerce à présent, les habitants de la zone urbaine de Buterere s'inquiètent de la hausse des prix des denrées alimentaires qui deviennent exorbitants. Ceux qui se sont exprimés au micro-baladeur de la radio-télévision Isanganiro donnent l'exemple d'un kilo de haricots de type Kinure qui s'achète actuellement à 3800 francs le kilo. Au moment où, au mois de mars dernier, s'achetait à 3100 francs bout, il demandait au gouvernement de revoir à la hausse, de revoir à la baisse les prix des denrées de première nécessité et lutter contre la cherté de la vie en cours. Suivez-les. La vie est très difficile dans notre pays. Il y a la famine qui s'observe dans les ménages suite à la hausse des prix des denrées alimentaires. Parfois, nos enfants dorment sans manger suite à cette situation de la hausse des prix qui devient exorbitante. Que le président de la République intervienne pour trouver solution à ce problème. Le kilo de riz s'achète à 5000 francs bout. Si on n'a pas cet argent, on ne parvient pas à trouver la nourriture. Et la cuillère de huile de palme s'achète à 1000 francs bout. Nous n'avons pas même d'eau potable. La situation est très difficile ici à Buterere. Un kilo de bananes s'achète à 1500. Celui de la pomme de terre s'achète à 2200 francs. Et les patates douces qu'on cultive à Guihanga s'achètent à 1250 francs. La vie est devenue très difficile. Nous demandons au président de la République de faire tout son possible pour trouver solution à ce problème. Les gens ont des complaintes contre nous en nous accusant cette faute de la hausse de prix. Les haricots aussi, c'est très dangereux. On peut donner l'exemple des haricots de type Kinule, étaient sur 3100 francs par 1 kg. Et à présent, ils coûtent 3800 francs par 1 kg. Le charbon aussi, c'est aussi dangereux. On ne peut pas acheter des haricots et le charbon, aucune marchandise qui peut donner de la bénéfice. Nous demandons au gouvernement de faciliter la situation. Dernier dossier de ce journal, l'hygiène laisse à désirer dans différents lieux publics et ménages des zones urbaines de Gizaïnyakaviga. Les habitants et les autorités dans ces zones de la commune urbaine de Mukaza demandent à la société collectant les déchets d'intervenir. C'est au moment où le maire de la ville de Bujumbura a débuté une campagne d'une ville sans déchets. Des détails avec Mireille Kanyan qui s'est rendue sur les lieux. Au quartier 3 de Bouiza, nous avons été dans la parcelle numéro 8. À l'intérieur, un restaurant est fonctionnel. Il est érigé près des sacs d'immondices entassés et tout près d'une toilette. Ça dégage une odeur nauséabonde. Les occupants de la parcelle font savoir que 3 mois viennent de s'écouler sans que la société chargée d'enlever les déchets ménagers ne passe. Ces déchets ménagers sont là, ça fait 3 mois. Avec tout ce temps, on manque où mettre d'autres saletés. Nous avons demandé pourquoi le chargé de la collecte ne vient pas. La question concerne la 9e avenue. Ils peuvent venir et mettre les cadenas ici car nous avons un restaurant. Non loin de là, la parcelle numéro 6, il y a également un restaurant. Là, les déchets ménagers ont été enlevés ce lundi, mais les habitants déplorent le paiement des montants qu'ils jugent exorbitants. Des fois, ils payent 25 000, 40, voire 60 000. Ce lundi, ils ont payé 50 000 selon le reçu. Nous avions un contrat. Avant, on payait 10 000 francs par mois. S'ils viennent, on payait les 10 000 francs et ils devraient venir 4 fois le mois. Mais cela a changé. Ils viennent 1 fois ou 2 fois le mois. La première fois, il m'a fait payer 60 000. Je n'en avais pas. Hier, il est venu. Il m'a demandé 50 000 francs. Comme je n'avais pas où mettre ces saletés, j'ai dû payer. Sur ce problème d'hygiène qui laisse à désirer dans cette localité, Amos Nshimirimana, chef du quartier 3 de Buiza, reconnaît cette situation mais déplore la lenteur de la société chargée de l'hygiène dans cette zone de la commune urbaine de Mukaza. Le problème que nous avons, c'est dans les parcelles. Ça fait deux jours qu'on ne voit pas de véhicule chargé de collecter les immondices. Et même s'ils viennent, c'est rarement. On demande à la société Beseco de mettre plus d'efforts pour que les saletés diminuent. Les habitants font recours à nous. Quand on demande, des fois, on dit que c'est dû au problème de carburant. Nous sommes également passés en zone Nyakabiga dans des lieux publics. C'est notamment au tribunal de résidence de Nyakabiga ainsi qu'à l'avenue de l'UNESCO en bas de l'université du Burundi campus Mutanga. Sur ce, Gervain Ndihokubgayi, chef de zone Nyakabiga, déplore une telle situation et demande à la mairie qui est en véhicule par zone pour bien gérer cette question d'hygiène. Le problème que nous avons dans la zone Nyakabiga, je pense qu'il est semblable à celui des zones Bwiza et Buyenzi parce que les véhicules affectés à ce travail sont peu nombreux et on ne le fait pas correctement. Ainsi, nous, en tant qu'administratif, je trouve qu'il serait bien d'augmenter ces véhicules et qu'une zone ait son propre véhicule ou un seul pour deux zones. Ainsi, il y aurait une bonne gestion dans le travail d'enlèvement de ces déchets. La situation d'hygiène se présente ainsi dans ces zones de la commune Mukaza au moment où, en date du 4 mars de cette année, dans une réunion, le maire de la ville a lancé une campagne Bujumbura Ville Propre et cela pour 45 jours. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Évariste Ndikumananga. Bonne suite des programmes sur Isanganito.